Demain, par Maurice Level. De tous les bijoux, celui qu'elle aimait le plus était une alliance, qui lui venait de son premier amant. Elle se souvenait du soir où il la lui avait apportée, de la seconde où il l'avait passée à son doigt, et les moindres paroles qu'ils avaient échangées alors demeuraient présentes à son esprit. « Tu es contente ?»« Je suis heureuse. » »« Tu ne la retireras jamais ?»« Jamais. » »« Demain, tu me la confieras. J'y ferai graver nos initiales et la date. » On ne me la gardera pas longtemps, au moins. Il n'avait point souri d'attacher tant de prix à cette bague, pareille à tant d'autres bagues, car dans la liberté de leur tendresse, de leur existence irrégulière et bourgeoise, elle était le signe de leur devoir consenti. Mais justement, parce qu'elle y tenait plus qu'à toute autre chose et ne la voulait pas quitter, on n'y inscrivit pas la date tout de suite, tant il est simple et naturel de dire « plus tard, demain, dès que l'on s'aime ». Souvent, chez elle ou dans la rue, elle la tournait à son doigt, et si par hasard, dans un tramway, quelqu'un la regardait avec trop d'insistance, elle retirait négligemment son gant pour qu'on vît bien qu'elle était une petite femme honnête et qu'il ne cherchait point d'aventure. C'était le temps des promesses et des projets, des certitudes et des rêves, et des mois passèrent sans qu'elle se résignât à abandonner son alliance, fût-ce un seul jour. Puis on s'aima moins. La vie se fit plus âpre, les soirées semblèrent plus longues au coin du feu. Côte à côte, ils rêvèrent et leurs rêves allaient vers des horizons différents. Leurs pensées, jadis jumelles, se détachèrent. Il eut des ambitions. Elle apprit le désir. Et la vie les trouva un matin si différents, si distants et si las, qu'ils se séparèrent. En laissant la maison où ils avaient été heureux, elle songea. « Ma bague n'aura point porté de date. » Et de tous ses chagrins, ce fut peut-être le plus précis. La pensée lui vint de retirer son anneau, mais elle hésita, superstitieuse, et le conserva. S'il ne disait plus les grands espoirs, les grands serments, du moins demeurait-il confident d'un bonheur calme, très différent de sa nouvelle destinée, et pour qu'il gardât en lui son histoire, elle décida d'y faire inscrire leurs initiales et la chère date d'autrefois. Mais ce soir-là, son nouvel amant s'étonna qu'elle conservât cette bague. Alors, pour éloigner sa jalousie, elle inventa une très simple histoire. C'est l'alliance de ma sœur, une sœur que j'ai perdue. » Un peu honteux, heureux aussi, il la lui rendit en s'excusant. Elle la reçut avec un sourire et réfléchit qu'il serait imprudent de la faire graver après cela. Elle en éprouva bien quelque peine, mais ayant désappris l'espoir de ce qui dure, elle se dit « Plus tard, un jour, quand je serai libre. » Et le petit anneau demeura tout pareil en attendant ce demain, peut-être lointain, peut-être proche. D'aventure en aventure, elle connut le luxe, le besoin, puis le luxe encore. Un jour, elle eut des perles, un autre, des diamants. Les perles et les diamants s'en allèrent, la petite bague restait. Maintenant, quand un ami lui en demandait l'origine, elle n'éprouvait plus d'anxiété, la réponse était toute prête. « C'est l'alliance de ma sœur, une sœur que j'ai perdue. » Et elle se promettait encore d'y faire graver la date. « Demain, je la porterai demain. » Puis elle eut un amant jaloux. Si jaloux qu'elle dut, n'ayant pu le convaincre, la cacher au fond de son coffret. De temps en temps, elle l'en retirait, la glissa à son doigt, avec la sensation de revivre en quelques instants toute sa jeunesse. Et sa jeunesse fuyait. Sa vie, que des caprices, des colères, un hasard modifiait sans cesse, coulait, rapide, assagie quelques mois, puis de nouveau désordonnée. Dès que son amant ombrageux l'eut quittée, elle reprit sa bague donnée de femme, comme elle disait. Elle ne tenait guère à ses autres bijoux, qui lui rappelaient tous des visages qu'elle n'avait pas aimés, des fausses joies, de faux plaisirs et des paroles vaines. Il n'était à ses doigts, à sa gorge, à ses poignets, que de l'argent en dépôt. Les uns après les autres, ils prenaient le même chemin, le mont-de-piété, la marchande à la toilette, l'oubli, et souvent, regardant son alliance ternie, rayée, elle se demandait « Si tu valais quelque chose, te vendrais-je aussi, toi ?» Mais le petit brouillard qui descendait devant ses yeux l'assurait qu'elle n'aurait pas ce courage, ou qu'il faudrait alors qu'elle fût bien malheureuse. La jeunesse s'effeuilla. Elle se vit devenir moins jolie, se faner. Elle aperçut au bout de l'horizon que son miroir et le regard des passants rapprochaient d'elle l'âge mûr, l'âge triste et l'âge solitaire. À vrai dire, elle sentit approcher cela sans amertume, comme on sent approcher le sommeil après un jour trop agité. Elle aurait pu lutter, se défendre, farder ses joues, éteindre ses cheveux. Elle fut sage et devint vieille sans protester, vendant ses bijoux, ses fourrures, presque fière de se sentir libre, de n'avoir plus besoin de plaire et de ne plus entendre une voix demander « À quoi penses-tu ? » Du jardin somptueux et touffu qu'était son passé, elle gardait le souvenir d'un seul coin de fraîcheur, son premier amour, et le regret que son alliance, tout ce qu'elle en avait conservé, n'eût jamais été qu'une bague presque anonyme. Alors un jour, toute vieille, toute cassée, les yeux affaiblis, les mains fripées, elle voulut, maintenant qu'elle pouvait porter son anneau sans que personne s'en étonnât, y faire graver la date heureuse. En route, trottant à petits pas, elle se répétait « Cette fois, je ne dirai plus demain. » Mais, dans le magasin, comme elle tendait sa bague au bijoutier expliquant « C'est pour graver 4 lettres et une date. » Il lui répondit avec un aimable sourire et tout en lui rendant son alliance. « Ce n'est pas possible, madame. L'anneau est trop vieux, trop mince. Il casserait. » C'était « Demain » par Maurice Levelle.